Dans les paroles assez fous, ben c'est le moment tu sais que les gens apprécient particulièrement. Les gens attendent ça. Ils écoutent pas Assemblage requis. Parce qu'ils se disent, de toute façon, les meilleures blagues sont tout le temps dans le montage. T'sais. Montage qu'on appelle... Les instants classiques. J'étais pas sûr, tu sais. Tu es un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 4 mars 2013. Tout en sirotant mon café. Oui. Me vois-tu venir? Ah, sirotant, t'aimes ça, saper quelque chose. Exactement. J'aime tout ce qui est noir. Oh! Raciste! Voilà. Jean-Philippe Chambonneau. Yeah! Et Mathieu Plante. Yeah! Oh, yeah! Je suis comme le groupie, là, qui est groupie. Groupie! Hey! Qui est groupie? Rara et Prairie Girl sur l'album The Poet's Dead à Assemblage requis. Hey, maudit, hein? Rara! Ça sortit plus fort que je pensais. Je m'emmenais en voiture, vous entendez, j'étais mal à l'aise. Cool! C'est ce qu'on voulait. J'espère que les gens apprécient les malaises à la maison, hein? Parce que si vous voulez pas, si vous voulez des affaires plates pis, tu sais, qui flattent dans le sens du poil, ben. C'est pas nécessairement assez fou qu'on va le trouver, hein? Un malaise n'attend pas l'autre. Je suis plein d'émotions, puis... C'est mon essai au malaise. OK, bon. J'ai essayé de faire ça. On amène tout le monde dans le vice. Bombino et la pièce, c'est Amine Dénin. Il paraît que c'est un gars à voir en show. Donc, s'il vient à Montréal, peut-être au Festival Nuit d'Afrique cette année, quelque chose comme ça, allez le voir. Il va venir juste Stratos, Bombino. Forme-moi Bombino. Comme ça, il va pouvoir dîner. Amine Dénin. Ouais, puis. Ouais. 3.1416. Fais-moi une. Oh, fais-moi une phrase avec beurre pipi. Beurre toi le pipi. Beurre toi le pipi. Voilà. OK. Bon, ben, on se quitte avec Bears of Legend. Beurre! Ah, je voulais qu'on s'habille tous en pyjama. Ah, oh, ben, demain. J'ai pensé de le dire. Moi. Ouais. C'est le fun. Moi, je dors nu. OK. Ben, amène tes draps, en tout cas. La boîte à... Avec les tout petites personnes là, qui font des spectacles. Toutes des nains d'un pouce de, ouais, de haut. Ah, c'est pas correct. Voici Television. C'était ironique. Ça apparaissait peut-être pas dans mon ton de voix. Hey, on devrait se partir à la place d'une ligne érotique, une ligne ironique. Je t'envoie des commentaires sarcastiques et ironiques. Ah, c'est bon! Ça l'a très bien été. Ton fond fait tellement moins bien avec l'alarme en arrière, je trouve. On dirait vraiment du Caravan Palace. Ça, c'est parce qu'on vole des auditeurs aux autres chaînes. Oh! Marina! Tantôt, t'as dit genre de la publicité pour toi aujourd'hui. C'était drôle, tu devrais la faire. En ce moment. Parce que je voulais pas dire aujourd'hui, ouais. On fait pas juste ça. Mais là, on est plus en pub, ça marche pas. Non. Raté! Anne-Julie Durocher! Donc, c'est l'index qu'on s'insère et que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis, donc ça va être. Yeah. Ça va être douloureux. Moi, je sais. Chantieux. Pointe du doigt. Un index qui réveille. Surprise! Oh. Noah, qui est l'aliment de 2013. Oui, il me semble que ça se mangeait, j'étais pas sûr. C'est un arbre, c'est le séquoia. Assemblage requis, non, ça c'est n'importe qui Noah. N'importe quoi. Ou le site web de TVA, kenaway.ca. On a fini, je pense. Oui. Je pense que David Perron, son objectif aujourd'hui, était de remplacer chacun de nos chroniqueurs. C'est peut-être ça. Pour un vrai sauveteur. Il va faire peut-être comme dans Baywatch, là, avec les seins qui font... Some people stand in darkness. Un gang! Ça ressemble étrangement au gang dans... Mortal Comeback. Ah, oui, Comeback. Mortal Comeback, c'est quand je fais des blagues vraiment mortelles. Je fais un méchant comeback. Mortal Comeback. Dodo. Comme l'oiseau qui est disparu avec le temps. Ouais. Les oiseaux de Dodo. Hein, David Perron? Qu'est-ce que t'en penses? T'es en train de me traiter d'oiseau disparu? Non, parce que t'es encore là. Fait que, ouf. Et tu chies partout? Non. Ben, je te lâche vois mes frites. Et... Lâche ma frite. Ne me réduis pas comme ça, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, mais j'aime ça surtout quand il y a plein de maillots dessus. Trop loin. L'assemblage requis, c'est jusqu'à 9h. Wow! L'élève est à veille de dépasser le maître. Wow! Ben, le maître, là, tu vois, là, il est généreux par rapport à mon entre-gens. Le maître, c'est parfait. Merci. CrossFit Games, qu'est-ce que c'est? C'est comme les Jeux olympiques, mais version CrossFit. Et c'est des compétitions qui se passent partout dans le monde. En les cross olympiques. Les cross olympiques. Bientôt en DVD louré. Oui, dans la section avec un petit rideau devant. Oui. Parce que tu prends plus de calories dans ce temps-là, t'annules pas, tu fais juste en manque. Quasiment plus! On dirait une Marie Lessig. Une grande Marie Lessig. Mais jouée par Bruno Blanchet, oui, sa moustache. Exactement. Wow, tu fais une belle mais fille. Mais t'es tine! Pour ceux qui suivent, il y a David Ferron, il y a Gustave Lafenêtre, qui est son frère jumeau, anciennement siamois, mais ensuite séparé, donc il manque le côté. Mm-hmm. Qui a essayé de se tuer les deux. Je pensais l'avoir décapité de mon cou, mais. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Et là, ils ont maintenant, on a découvert qu'ils ont une sœur triplette siamoise. Oui. Qui s'appelle. Ben là, il n'y a pas consensus. Ben, c'est parce que tantôt elle était là, mais là elle est partie, puis là on pense qu'elle s'appelle Marie Melon. Je suis une cougar. La cougaracha, la cougaracha. Ta ta ta ta ta. Hey, c'est Marie Melon! Wouhou! Moi, j'ai réussi à la faire revenir. Oui, elle va faire revenir. J'ai soif, Marie Melon. D'accord. Est-ce que t'as du lait sur toi? Ah, j'allais traire un bœuf. Okay. Mais je comprends pas, il a juste un pi. C'est normal? Juste un pi sur le bœuf? Sur le bœuf qui a un pi, tu prends ton lait dans un bœuf? Ben non, c'est une vache. C'est ma vache handicapée. OK. Il a été séparé à la naissance. Oui, je sais pas qu'est-ce que t'avais avec ces trois autres pis, mais... Merci, Lauriane, d'avoir apporté un peu de sagesse. Avec David, on a tendance à niaiser un petit peu. David, il est drôle. Oui, et à ne pas confondre, je ne suis pas la fameuse Marie Melon là, que tout le monde attendait. Oh, elle embarque quand même. Ouais. Que c'est difficile de condenser 8 heures d'assemblage requis en 6 minutes. Mais c'est vrai que c'est bon. Je pense que je vais arrêter d'écouter l'émission. Puis... C'est ça le problème, c'est que j'incite les gens à ne pas écouter l'émission, juste écouter le montage. Mais par contre, le montage est difficile de comprendre le contexte. Il faut écouter toute l'émission pour comprendre les subtilités de l'humour des animateurs d'assemblage requis. Hein? Ben oui, ça vient juste chercher des beaux petits moments de nostalgie parce qu'on a déjà tellement hâte de réécouter ça. Ouais. On se dit tabarouette, hey, c'est déjà passé, c'était tellement bon. Ils sont beaux en plus, Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante qui co-animent l'assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec une multitude panoplie. Une panoplie, je pense que ça veut dire pas mal aussi. Oui, c'était déjà assez suffisant. C'est redondant, répétitif et toujours la même chose. Très suffisant. C'est ça. Stéphanie Paradis est là, entre autres. T'as encore failli m'appeler Stéphanie Gagné. À chaque fois. Ah! Mais j'ai animé tellement longtemps que Stéphanie Gagné, c'est normal, ça reste. Ben oui, c'est normal. David Ferron qui enfin a un nouveau personnage parce que Gustave, ben beau, ben fin, mais à un moment donné, on se tente de faire tout le temps les mêmes pièces de théâtre autour de ça. Là, Marie Melon, je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Là. Il y a de la viande autour de l'os. On tient une tétine à quelque part. Jachine! Oh, Marie Melon. C'est... Ouais. Voilà. Ben, écoutez ça. Lundi au jeudi, 7h à 9h. Assemblage requis. Sinon, allez sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balades de diffusion et pour télécharger toutes les capsules d'un instant classique qu'on vous présente ici au Palmarès C'est Fou, ainsi que les meilleurs moments des Palmarès C'est Fou qu'on diffuse à Assemblage requis. Hein? Généralement, c'est le lundi aux deux semaines. Sauf que c'est souvent le mardi. Oui. À date, il y en a eu 3. Puis il y en a eu 2 le mardi. Et une le lundi. Bref, ça joue en début de semaine, une semaine sur deux, après avoir accumulé assez de bons stocks dans les palmarès. Hein? Bon stock, on a juste ça du bon stock.